Ah bah ouais, personne. Je suis un homme, j'ai plein d'ennemis. J'en serais pas un si j'en avais pas. Y'a personne qui t'écoutera. T'es comme un condé qui dit arrête-toi. T'es avec moi ou contre, c'est clair. Grosse affaire, énorme CR. Faut que la rue ait le temps qu'on y perd. On a compris maintenant qu'on est père. Merde, l'oseille ça fait tomber les masques. L'OPJ veut me coller les basques. Des gaines de skin, j'ai 19 ça qui me gênait. T'es sorti d'une ferme un stream. Rivro la bête et la crime. On aura ta tête et la prime. Bang, j'ai pesé le rap et je l'ai fait crier. J'suis même pas encore à mon prime. Sans mon rétaillé des crayons. Le crime on en connaît un rayon. Un mec a coulé sort du terreau. Ma stupe déguisée sort du préau. Je réclame pas mon pif, on me le ramène dans les temps. Madame, je suis pas riche, je suis qu'un pauvre gars de l'argent. Petit, tu nous as vu faire drogue, shit, coke, air. Tu vas dire, Léon, on y revient. Cette année, je sais pas, j'ai fait combien. Tourmenté dans les tourbillons, Léon. Elle m'a pris pour un Hollandais, qui offre une RM à l'hôtel Crillon. Y'aura que mes imitations, le soir au Matignon. J'suis de mauvaise humeur, ce matin, j'l'attrape par le chignon. Petit, tu nous as vu faire clock, shit, coke, air. Elle m'a pris pour un Hollandais, qui offre une RM à l'hôtel Crillon. Si demain ça chauffe, on aura pris les devants. Ouais, y'a des leçons de la vie que l'on méprend. Daron m'a fait du MMM, tu fais coincé par les gants. T'as 18 ans, tu prends un contrat, tu ne mets même pas les gants. Y'a du sang qui a coulé sa mère, pas d'eau qui a coulé sous les ponts. Il a dormi quand fallait sonner l'alerte. C'est là que tu sais que c'est qu'un con. C'est le 9-4 et le 59. T'es qu'une salope si tu nous aimes pas. On nous rappelle des stories légendaires, tellement qu'on s'en rappelle même pas. Tu parles trop sur la fumette, j't'allume à part de la muette. Mais t'es méchant comme ces mineurs qui t'insultent ta grand-mère à la fenêtre. Quand ils sont mis contre nous, ces fils de putain pensent renaître. Pas éclater pour même pas 1000 euros, peut-être qu'un jour faudra s'y mettre. Petit, tu nous as vu faire bloc, shit, coke, air. Tu vas dire lui, on y revient. Cette année, je sais pas, j'ai fait combien. Tourmenté dans les tourbillons, Lyon. Elle m'a pris pour un Hollandais, qui offre une RM à l'hôtel Crillon. Y'aura que mes imitations, le soir au Matignon. J'suis de mauvaise humeur, ce matin, j'l'attrape par le chignon. Petit, tu nous as vu faire clock, shit, coke, air. Elle m'a pris pour un Hollandais, qui offre une RM à l'hôtel Crillon.